A Putti Saint Man. Je ne connais pas le bruit des saisons. C'est un son unique, une musique, une émotion. Je ne connais pas le nom du vent. C'est sans doute celui du nord qui fait jaillir les tourments et fait disparaître les remords. Je ne connais pas la montagne. C'est celle qui est sacrée pour les Anangu et pour les Innu. Sur la montagne, je me suis assise pour contempler le silence et la beauté du mystère. Je marche sur la pointe des arbres pour chercher la route du chasseur. Entre le ciel et la terre existe un sentier invisible.